Les médias étrangers ont traité largement le 5 courant la lutte antigouvernementale des Sud-Coréens menée à Séoul et dans toutes les régions sud-coréennes. La paix des États-Unis a reproduit que beaucoup de citadins se sont réunis au milieu de Séoul pour réclamer la démission de Bakunin liée au scandale politique en utilisant des mots de forfait et de crime. Le Reuters et la BBC britannique, l'agence France Presse, la CNN des États-Unis, la télévision satellitaire Al Jazeera du Qatar et le journal japonais Asahi Shimbun aussi ont fait part de la pression accentuée de l'opinion publique sud-coréenne demandant la démission de Bakunin.